place à DJ Tom et DJ Manhattan pour un versus de folie. C'est parti. Ego. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. I level my left. Sound System et à l'instant Carlos Mendes avec le morceau Sexophone dans cette 100% rétro. Que des grands classiques jusque 16h encore avec notre ami Manhattan qui était au platine. Tout de suite, c'est DJ Tom qui prend la relève avec son versus et puis ses grands coups de cœur au niveau rétro et rétro-tech. C'est Tom donc au platine de Galaxy pour cette émission spéciale Sound System. On est depuis 10h ce matin ensemble. Tu nous suis également sur internet le live.galaxyfm.com. Faites péter l'audience, faites péter les connexions. N'hésitez pas à nous balancer aussi vos messages et nous contacter directement à la radio au studio ici 03 20 83 57 57. Place à DJ Tom pour son set de folie. Galaxy plays all the hits. Sound System, on s'approche du cap des 14h30. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Calais fréquence 95.30 pour le meilleur de la musique électronique. La dernière Sound System de l'année, c'est maintenant. Ça se déroule maintenant et il ne fallait pas la louper. Ah, c'est une journée de folie. Franchement, c'est la folie. Une journée de folie avec DJ Tom et Manhattan actuellement versus aux platines de Galaxy qui m'ont fait le plaisir d'être invité aujourd'hui dans le cadre de cette émission. On est depuis 10h à l'antenne en direct, émission spéciale. Et on a accueilli encore donc Dust. Ça va Dust? Il y a Dust qui est à côté de moi. Viens, viens un petit peu. Bonjour. Il est là depuis ce matin. Je ne sais pas ce qu'il se dit, mais je passe de bonjour. T'es là depuis ce matin, toi, Dust. Hein. Exactement. Bah, ouais, il est en pleine forme, il assure le standard et tout, il est nickel. Elle est terrible, cette émission. Bon, et à côté de moi, Miss Liu, ça va, Miss? Oui, très bien, et toi? Bon, on va accueillir une DJ à l'antenne bientôt. Tout à fait. Une DJ qui est déjà passée, d'ailleurs, j'ai déjà invité dans mon émission et que j'attends avec grand plaisir, bien sûr. Oui, donc, les auditeurs, faites péter le standard pour dire vous voulez avoir Liu la prochaine fois. Liu, ah. Miss Liu. Liu, ouais, à chaque fois. Liu. Et à chaque fois, je fais la même chose. Toujours Liu. Donc, Miss Liu, une DJ qui sera au platine dans quelques minutes, d'ici une dizaine de minutes. Elle va nous mixer quelques plaques et ça me fait plaisir qu'elle mixe ici. Ça me fait plaisir qu'elle mixe ici à l'antenne de Galaxy. Donc 14h40, ça te va? Ouais, d'ici une dizaine de minutes. Comme ça, après, tu peux enchaîner. Quelques grammes de finesse. Nicolas aussi. Et il y a Nicolas et Jérôme B qui m'ont dit qu'ils allaient passer. On verra s'il reste un peu de temps pour les faire mixer. Quelques plaques aussi. Conny, tu renchaîneras peut-être sur la deuxième partie de ton versus. Ah, bah moi, s'il y a de la place, si jamais il y a des autres qui viennent, je leur laisse la place parce que je suis pas là pour squatter les platines. C'est clair. S'il y a de la place, je les prends sans problème. Vous êtes bien marrés, hein, les deux loulous tout à l'heure. Ouais, non, franchement, en plus, on a enregistré, on a les photos, on vous les mettra sur internet d'ici ce week-end sur le portail web de l'émission. Ah, bah j'espère, puis je compte bien sur notre ami Jeff, je pense qu'il nous aura fait l'émission. Là, il est en pleine forme, Jeff, et puis il nous enregistre tout ça, donc on aura tout ça en archive. Tom et Manhattan, c'est ce qui continue encore pendant quelques minutes. Tout à l'heure, dans 10 minutes, Miss Liu qui prendra les platines, suivi certainement de Conny, Dust, il y aura également Jérôme B qui nous rejoindra et Nicolas pour terminer cette émission. Okos nous rejoindra un peu avant 16h et on fait un petit clin d'œil à notre ami Christophe de Neuville, en pleine forme. Christophe qui nous a téléphoné tout à l'heure, qui nous a demandé d'arrêter la musique classique. Conny, tu sais ce qu'il nous a demandé? Arrêter la musique classique. Ah bon? Bon, et Christophe, qu'est-ce que tu fais, Christophe, là? T'as craqué ou quoi? Bah moi j'ai pas craqué, c'est pas moi qui ai mis du classique. Je sais. Non, c'est pas moi, c'est Ice. Je balance, c'est Ice. C'est Ice qui a mis du classique. Bon, Christophe, on arrête les cymbales, promis. On reste sur le style Cherry Moon et Banzai encore pendant quelques minutes. Et tout à l'heure, dans 10 minutes, c'est Miss Liu qui s'y colle aux platines de Galaxy. Ok? Ok, impeccable. Ça marche, à tout de suite. Galaxy, go. Allez. All the hits, all the time. We'll be right back. Galaxy Sound System, émission spéciale aujourd'hui avec l'ami Manhattan et DJ Tom qui vient de terminer son petit set. Galaxy. Et donc on continue, Manhattan, merci pour ce petit set de folie. Attends, excuse-moi, hop là, le micro est enclenché. De rien. Voilà, ça va ? Ouais, nickel, ouais, passe un peu de banzai, ça fait plaisir. Ouais, t'étais en duo avec DJ Tom là pendant une petite demi-heure, rétro-tech, t'as passé pas mal de bonnes choses. C'est ce que t'as passé au Cherry Moon la fois dernière ? Non, c'était pas du tout. Bon, comme moi je mixais en début de soirée, j'ai pas passé ça. D'accord, ok. Hey, Mister Tom, hey. Ça va, Jérôme ? Bonjour, Jérémy, tu vas bien ? Ouais, toi, ce n'est qu'à nous revoir, Jérémy. Ça va, Jérôme ? Ouais, impeccable, parfait. Bon, Jérôme, on te retrouve quand sur la playlist de Galaxy ? Laisse-moi regarder, Party House, 23h01 le samedi soir. Oui, tout à fait, ce soir, 23h01, comme d'habitude. Bon, et t'es venu nous dire un petit coucou, un petit coucou ? T'es venu avec des plaques ou pas ? Quelques plaques, oui. Mais un peu plus cool, tu vois, un peu... Ouais, je me doute bien. Ouais, je me doute bien, c'est plutôt House avec Jérôme B. Ouais, voilà, House, mais bonne rétro. Bon. Je... Il n'y a pas de problème. Et au niveau de ton actu, est-ce que tu as des trucs Alors, sur Internet sur Internet, on peut te retrouver sur mon MySpace, slash Jérôme B, pas de bout de Jérôme. D'accord. Et mon site Internet qui n'est pas à jour aujourd'hui, www.jérômeb.com. Bon, ça marche. Manhattan aussi, je pense que tu as un site. Ouais, tout à fait, djmanhattan.com. Ouais, on retrouve. Donc, Manhattan, c'est M-A-N-A-T-A-N-E. Ouais, de toute façon, en tapant dans Google Manhattan Galaxy, on tombe directement sur le tien. Tout à fait. Et en plus, je pense qu'on peut choper des Ghetto Mania, des enregistrements de ton Ghetto Mania. ligne. Ouais, tout à fait. Bon, bah c'est nickel ça. Jérôme, tu voulais ajouter un petit... juste quelques dates sur l'île, hein, ouais. Quelques bars par la suite. Ah, tu peux en parler déjà. Tu les as déjà en tête ou pas? Sans cours, il y aurait le tcha-tcha-tcha, le loca-loca, et aussi le restaurant des Indes. D'accord, tout ça, ça se trouve à Lille, 100% lillois. Voilà. On te retrouve du côté de la Belgique ou pas alors? Non, j'ai arrêté le VIP. Ouais, et puis, sinon, pour le moment, pour le mois de juillet à la bûche. Pour le mois de juillet à la bûche, ok, voilà. On verra ça. Pour un guest. Écoute, on te retrouve dans quelques minutes, le temps que tu prépares tes plaques et tout ça. Okay, là, maintenant, attention les gars, ça va chauffer. Ils sont tous frétillants. Il y a une fille qui va mixer dans les studios de Galaxy. C'est Miss Liu qui prend les platines et possession du 95-30. Ça va, Conny? T'as préparé Miss? Ah, moi, c'est très bien. Je suis en train de la coacher. Alors, les mecs, franchement, ouvrez vos oreilles. Je vous préviens tout de suite. Prenez-en de la graine. T'es en train de la coacher. T'es en train de coacher Miss, ça va? Tu coaches bien? Ouais, ça va. Bah, vous lui demandez, vous lui posez la question à elle. Attends, j'arrive. Non, ça va, laisse-la, elle est prête à démarrer. Donc avec Manhattan tout à l'heure, on te retrouvera aussi pour quelques plaques, je pense. On aura tout encore. Fait, ouais, vers la fin, je pense. Ouais, on a encore presque une heure et demie à passer ensemble. Peut-être on va essayer de gratter, je sais pas, on va essayer de motiver Okos pour essayer de le gratter jusqu'au 18. Bah, déjà, si il est chaud pour faire un ping-pong, c'est qu'on pourra empiéter sur son émission. Okos, si tu nous écoutes, lâche-nous le créneau jusqu'à 18h. On verra bien tout à l'heure. Donc Miss Liu, c'est tout de suite, elle s'y colle, elle est au platine de Galaxy, fréquence 95-30. Vous pouvez nous joindre 0320 83 57 57, le meilleur de la musique électronique.